Le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Bwana Mungu wetu amibariki na utajiri yote. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Eti tuko mufura mangaribi ya leo? Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio wapendwa ndugu na dada. Soyez disposés. Mwe tayari. Et croyez que le Seigneur va nous parler. Na aminieni ya kusema Bwana atatuzungumzia. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio wapendwa ndugu na dada. Pendant toute la semaine que je vais intervenir ici, Kadiria juma yote mitaseme hapa. Je vais toujours parler du temps de la préparation. Mitaseme paka wakati ya matayarisho. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada. Chaque réunion de culte, kila mkusanyiko ya ibada, chaque prédication, kila mahubiri, chaque exhortation, kila onyo, chaque cantique, kila nyimbo, doit être considéré comme une préparation. Inapasha konokana sani matayarisho. Chaque verset biblique, kila andiko ya mbiblia, chaque branchie, kila mahubiri ya nduku Branham, chaque lettre circulaire, kila mabarua ya nduku Frank, doit être considéré comme une préparation. Inapasha konokana sawa matayarisho. Ici, nous ne sommes pas une église dénominationnelle. Hapa tuna kanisa ya mazeu. Nous sommes un groupe de chrétiens. Tuko nkunji ya ba Kristu. Réunis. Yenye kujikusanya. Pour nous préparer. Juu ya kujitayarisha. Nous sommes ici pour la préparation, frère. Tuko hapa njuu ya matayarisho nduku. Par la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Nous allons vous démontrer. Tutamionesha. À quoi comme église? Nini le kanisa, sawa kanisa? Nous sommes préparés. Tuko na jitayarisha naye. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio bapendwa ndugu na dada. Comme je l'ai dit hier. Vile nilisema jana. Dieu ne fait rien à l'improviste. Mungu ashifanyeke kitu bila yeye kujitayarisha. Non, bien-aimés frères et sœurs. Hapana bapendwa ndugu na dada. Dieu ne peut jamais être surpris. Mungu hawezi kuwa mwenye kushutuka. Nous sommes surpris, mais pas lui. Yeye. Et sa manière de faire des choses, na kufanya bitu, elle est même. E kupaka namna moja moja. Qu'est-ce que Dieu fait? Nini le Mungu kunafanya? Il fait toujours des préparatifs e kunafanya paka matengenezo, avant de faire quelque chose que ce soit. Mbele kufanya kitu kyokyote. Oui, bien mes frères et sœurs. Ndio wapendwa ndugu na dada. Un fils de Dieu, mwana wa Mungu. Une fille de Dieu, binti wa Mungu. Elle manifeste la pensée de Dieu. Eko naonekanisha wazo ya Mungu. Tu dois manifester la pensée de Dieu. Unapasha konokanisha wazo ya Mungu. Cela veut dire bien mes frères et sœurs. Ni bia kweli banduku na wapendwa. Adam était la manifestation de la pensée de Dieu. Adam alikuwa ni konokanisha kwa mawazo ya Mungu. C'est-à-dire qu'Adam, ni kusema Adamu, faisait des choses, alikuwa anafanya vitu, comme si Dieu devait le faire. Sawa vile Mungu alipasha kubifanya. De la même manière que Dieu devait le faire, unaona moja moja Mungu alipasha kubifanya. Adam faisait des choses comme ça. Adam alikuwa anafanya vitu paka vile. Et Dieu était content d'Adam. Na Mungu alikuwa na furaha ya Adamu. Il peut lui demander, Adam, qu'est-ce que tu appelles ça? Il dit là, j'ai appelé ça coq. Ça, j'ai appelé ça chèvre. Ça, j'ai appelé ça mouton. Ça, j'ai appelé ça Thompson. Et là, Dieu était content. Il dit, c'est exactement ni paka vile, si je pouvais donner les noms. Kama na mimi ningeweza kuleta majina. J'appellerais ça ni coq. Nitaita yasema ni kuku. J'appellerais ça mouton. Nitaita yasema ni kondo. J'étais content. Mungu alikuwa na furaha. Oui, bien mes frères et sœurs. Dio bapendwa ndugu na dada. Nous sommes appelés. Tunaitwa à manifester Dieu. Konokanisha Mungu. À manifester la pensée de Dieu. Konokanisha wazo ya Mungu. À donner Dieu. Kwa kuonesha Mungu, kwa kupatia Mungu. À ce monde. Oui, dunia. Qui met dans le péché. Il est qu'on a coupé nos âmes. Qui met dans cet âge mauvais. Il est qu'on a coupé nos kizazi qui bat. Toi et moi. Oui, Nami. Notre responsabilité. Vito et tout. C'est de leur donner Dieu. Ni kuba pati ya Mungu. Qu'ils voient Dieu. Bah on est Mungu. À travers toi. Piti ya wey. À travers moi. Piti ya miye. Quand ils t'écoutent. Kawa na kushikia Kristo ekute Dieu. Makobe na shikia ni Mungu. Kaite voa agi. Kawa na kuona unatenda. Kilivoa je agi. Baone Mungu unatenda. Kaite voa marcher. Kawa na kuona unatembea. Kilivoa je marcher à toi. Baone Mungu unatembea ndani yako. C'est la vérité bien faite ça. Bibi yako eri banduku na bapeni. C'est comme ça. Jovile. Le frère Branham. Duku Branham. Disait. Alikuwa anasemaka. Agi juste. Tenda mzuri. Parle juste. Sema uzuri. Marche juste. Tembea uzuri. Agis juste. Tenda uzuri. Parle juste. Kupitia mwenye haki. Marche juste. Tembea uzuri. C'est notre devoir. Ni mapashwa yetu. Comme des filles de Dieu. Saba binti ya Mungu. Comme des fils de Dieu. Saba bana ba Mungu. Oui, bien mes frères et sœurs. Yo bapendwa ndugu na dada. C'est notre devoir. Ni mapashwa yetu. Jésus-Christ, Jésus-Christ était la parole. Alikuwa ni neno. Faite chair. Yenye kufanywa mwili. Ou la parole manifestée. Ao neno yenye kuonekanishwa. Oui bien mes frères et sœurs. Dieu bapendwa ndugu. La parole, neno, c'est la pensée de Dieu. Ni mawazo ya Mungu. Exprimé. Ile inanokanishwa, inasemewa. Mais Jésus, lakini Yesu yeye, est la parole, ni neno, faite chair. Yenye kufanywa mwili. En d'autres termes, mukusema kwingine, manifesté. Yenye kuonekanishwa. Mais une fille de Dieu. Sasa binti wa Mungu. Un fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Il est eko la manifestation kionesho kuonekanishwa de la pensée de Dieu. Kwa wazo ya Mungu. Quand on te voit, wakati bana kuona, qu'on voit Dieu, baone Mungu. Quand on t'écoute, wakati bana kushikia, qu'on écoute Dieu, bashikie Mungu. À travers toi, kupitia wewe. Oui, bien mes frères et sœurs. Dieu wapendwa ndugu na dada. Jésus a dit à son temps, Yesu alisema wakati yake, dis-moi je suis le cep. Asema mimi ni kumuti. Le ba technicien. Les techniciens ne sont pas OK. Est-ce que vous pouvez nous projeter Jean chapitre 15. Tu étais au pas écran Jean sur la Kakuminatano. Il dit. Et on a ces mots. Moi je suis le cep. Mie Niko Muti. Vous êtes les sarmes. Moi je suis le cep. Écoutez le Seigneur. Mouchiké Bouan. Écoutez bien mes frères et sœurs. Mouchiké Bapendo Nounadat. Écoutez ce que je suis le cep. Niko Muti. Et mon père est le vigneron. Na Baba Yangu Mpandaj. Tout sarma qui est à moi, qui ne porte pas de fruit, je les retrache. Et tout sarma qui porte du fruit, il l'inonde. En fait, il emporte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pis à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas à moi. Na moi mwezi kitu kama mbakie ndani yangu. Je suis le cep. Niko muti. Vous êtes le sam. Mwe muku matao. Celui qui demeure à moi. Kuna mbakie ndani yangu. Et à qui je demeure. Na ule ndani yake mina dumu. Porte beaucoup de fruits. Niko na beba matunda ya mingi. Kasa moi. Wani bila mimi. Vous ne pouvez rien faire. Amwezi kufanya kitu. Celui qui demeure à moi. Ule na mbakie ndani yangu. Si tu demeures dans le cep. Kama una mbakie kumuchi. Nous sommes des âmes. Lui, je suis le cep. Quand nous allons dans les arbres, hein, ce n'est pas le cep qui porte les fruits. Mais ce sont des âmes qui portent les fruits. Est-ce que vous êtes là? Et tu m'as parlé? L'arbre est bon. Muti kumuzuri. Parce que son fruit aussi est bon. Jumu tunda kina yuko muzuri. Mais c'est toi qui portes les fruits de Jésus. Sasa lakini ni wewe ndio unabeba matunda ya Yesu. Quand nous voulons écouter, goûter Jésus. Wakati tunapenda tupate kuonja Yesu. Nous voulons te goûter toi. Tunakuya kuonja wewe. Vraiment Jésus est bon. Akika Yesu yuko mwema. Dans la vie de la sœur. Mumaisha ya dada. Vraiment Jésus est bon. Akika Yesu yuko mwema. Dans la vie du frère de mon frère. Mumaisha ya nduku yangu. Est-ce que vous êtes là bien aimé? Yesu vous êtes mko pale banduku yangu. Frère. Nduku. Donnons à ce monde. Tukaburie kui dunia. Qui meurt Jésus. Ule Yesu. C'est la vérité. Ni bia kwe. Tout le monde peut faire l'erreur. Mais toi ne fais pas l'erreur. Même les païens vont t'accuser. Même vous qui priez. Même vous qui sommes qui êtes dans le tabernacle. Toi aussi tu fais ça. Tu vois. Est-ce que vous êtes là? Ils veulent voir Jésus en toi. Banapenda baone Yesu ndani yako. Cela fait très bien, mes frères et sœurs. Un attribut de Dieu manifesté. Mettez-vous debout, nous lisons. Hébreux 5. Ce monde a besoin de Jésus. Et c'est toi qui dois leur donner ce Jésus-là. Jean 14. Yohana sura 19. Premier verset au troisième. Mstari kwanza paka ya tatu. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo wenu usifadhaike. Croyez à moi, croyez en Dieu. Amini ndani ya Mungu. Et croyez à moi. Na amini ndani yenu yangu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Huko makao ya mingi ndani ya nyumba ya baba yangu. Si cela ne l'était pas. Kama ikukuyemu. Je vous l'aurais dit. Nilipasha kumiambia. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. En fait, que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est parti nous préparer une place. Faire des préparatifs pour notre demeure là-bas. Apocalypse chapitre 19. Et pendant que lui est parti, na wakati ya renda, nous préparer une place là. Tengenezea fazi kule, l'église aussi. Kanisa nayo pia, se prépare. Ici sur la terre. Hapa pa dunia. Le Seigneur se prépare. Bwana unajitayarisha. Nous aussi nous préparons. Na shena she pia tunajitayarisha. Sa préparation. Matayarisho yake. A déjà pris fin. Isha kumalizika. Écoutez, Mushiki. Réjouissons-nous. Septième verset. Saba. Apocalypse 19. Septième verset. Réjouissons-nous. Soyons de la régresse. Et donnons-lui gloire. Quand les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Na bibi arusi wake ashakujitayarisha. Il lui a été donné de se revêtir d'un fer lait éclatant pire quand le fer lait ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit écrit erré ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur par les Écritures. Si c'est un homme, kama ni muntu, ça peut faillir. Kukotola. Mais celui qui a dit ces choses est fidèle. Ni mwaminifu. Je tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoin de Jésus, kwani ushuhuda ya Yesu, c'est l'esprit de la prophétie. Ni roho ya unabii. Que le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, bénisse sa parole. Abariki neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Bien aimés frères et sœurs, bapendwa ndugu na dada, vous voyez ici, unaona hapa, Jean, Yohano, l'esprit d'adorer n'importe quoi voulait le saisir. Un roho ya kuabudu bintu vyovyote ilitaka kumubamba. Je suis en train de répéter le verset 10e. Ni unarudia mstari ya 10. Écoutez, mushiki. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Frère, Dieu Mungu n'a jamais partagé sa gloire avec un homme. Aya kabulaka utukufu yake na mtu mwingine. Dieu Mungu n'a jamais partagé sa gloire même pas avec ses serviteurs. Aya kabulaka utukufu yake hata na watenda kazi yake. Un jour, Shiku moe, Moïse, Musa devant le rocher. Mbele ya mwamba. Il s'est fâché. Akashirika. Il était devenu habitué de Dieu. Aramzovelea Mungu sana. Il prend la vierge. Akabebele bakora. Il frappe les rochers deux fois. Akapike le mwamba mara mbili. Il dit, Israël. Akasema Israeli. Écoute. Shikia. Est-ce que c'est sur ces rochers ici? Eti ni kui mwamba huku. Que nous vous donnons de l'eau? Je tourne mipatia maji. Il a oublié quelque chose. Arisawa kitu kimoe. Que ce n'était pas lui. Ya kwamba ikwe ni yeye. Qui avait donné de l'eau? Kwa napatia maji. Aux enfants d'Israël. Batoto wa Israel. Mais c'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Lui dit. Ye Mungu. Écoutez Israël. Mushikie Israel. Est-ce que c'est sur ce rocher? Eti ni kui mwamba. Que nous vous donnons de l'eau? Je tourne mipatia ko maji. Dieu s'est fâché. Mungu alishirika. Dit Moïse. Akasema Musa. Monte la montagne. Panda kumulima. Regarde le pays. Angara inchi. Parce que juu, tu ne m'as pas sanctifié. Au kunitakase. Devant le peuple. Mbele ya taifa. Tu n'entreras plus. Hautaingia tena. Et Dieu l'a tué là-bas. Na Mungu alimuia kule kumulima. Frère, nduku. Peu importe la manière dont Dieu peut utiliser un serviteur. Aizuru namna yote Mungu anaweza kutumia mtumishi. Nous ne confondons pas. Atuwezi kufuruka. Qui est Dieu? Mungu ni nani? Et qui est son serviteur? Na mtumishi wake ni nani? Le prophète n'a pas commencé avec le frère Branham. Banabia bakuanze na ndugu Branham. Aucun prophète dans l'histoire du Sali depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament n'a été adoré. Hakuna tawa nabii mwa kuanzia kwa agano la kale kufika na kwa agano jipya ashikuabudiwe. C'est comme ça que nous n'adorons pas un homme. Jovile anashatu abudu mtu. Nous ne prenons pas la place du Seigneur Jésus. Atubebe. Et les donner ça au frère Branham. Utukufu ya Yesu kwa Gabriel kwa nabii. Le frère Branham a voulu même abandonner de prêcher. Ndugu Branham anapenda hata kufika mkuu. Akute ça. Jutu ya ile mambo. Il dit. Akasema. Allô. Ah, japo. Ce n'était pas mes ennemis. Aikuwa ba du yangu. Si c'était mes ennemis. Kama alikuwa ba du yangu. Qui voulait faire une telle chose? Bangeweza kufanya hii mambo. Commencer à m'adorer. Kuanza kunyabudu. Me mettre à la place de Jésus. Niweka pa fasi ya Yesu. Je dirais qu'il se moque de moi. Mais ce sont des amis des gens qui croient en moi. Alors si c'est comme ça, comme une ville, je n'irai même plus dans l'émission. Je vais laisser même pécher. Parce que moi qui suis un homme, vous voulez faire de moi le Seigneur Jésus. Vous voulez faire de moi le Seigneur Jésus. Il dit, je suis un pécheur. Sauvé par la grâce. Le serpent écrasé. Commencez à lire au paragraphe, même 20, je crois, au début. Le serpent écrasé. Est-ce que vous êtes là? Et frère, Nduku, même si quelqu'un faisait descendre le feu du ciel. Anashusha moto kutoka kumbingu. Il vient nous enseigner l'évangile des catholiques. Anapenda kutufundisha mafundisho ya kikatoliki. Non. Nous devons adorer. Napasha kuabudu. Notre Messie. Masia wetu. Le Messie d'aujourd'hui. Masia wetu wa leo. Non, bien aimé frères et sœurs. Apana bapendo nduku na dada. Non, bien aimé frères et sœurs. Apana bapendo nduku na dada. Ça, ce sont des symptômes de l'impréparation. Ile ni malama ya kosa kujitayarisha. Le Seigneur. Bwana. Est parti nous préparer une place. Rien ne coûte à rien, fais-y moi. Et tous ceux qui adorent l'homme. Na balé bote qu'on a boudu muntu. Frère. Nduku. Que ce soit ceux qui adorent Marie. Ikuye balé qu'on a boudu Maria. Qui chante même pour Marie. Balé qu'on a imbia Maria. Et ceux qui chantent même pour Branham. Na balé qu'on a imbia Nduku Branham. Qui adore Branham. Balé qu'on a boudu Branham. Tous. Bote. Ils sont dans un même sac. Balé qu'on sac à moi. Ils sont dans un même sac. Il n'y a pas la différence parce que c'est Marie. Alors c'est mauvais. Mais si c'est Branham, c'est bien. Non, frère. Tous sont des idolâtres. Et ils passent à côté de Dieu. À côté de sa volonté. Il est parti nous préparer une place. Arienda kutengenezea fazi moja. Quelle place? Fazi kani? Frère, nduku. Un lieu parfait. Fazi moa kamilifu. Où le mal n'existe pas. Mule bubaya bunako. Où la jalousie n'existe pas. Wale buivu bunako. Où la haine n'existe pas. Wale chukia inako. Où la maladie n'existe pas. Wale magonjwa inako. Où les cris n'existent pas. Où le ouaja inako. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Léo mita soma san. Je vais beaucoup lire aujourd'hui. Mita soma san ale. Écoutez. Mushiki. Comment le frère Branham. Vilenduk Branham. A expliqué ce verset. Ari fasiria yi mustari. Les liens que Jésus est parti nous préparer. Fazi le yesu alenda kutayarishi. Les liens que toi tu veux aller. Fazi leo unataka kwenda. Nous sommes ici. Tuko hapa. En préparation. Mu matayarisho. Pour aller dans ces liens là. Tuya kwenda mwile fazi. Mais écoutez. Sasa ishikie. Comment le frère Branham. Vile nduku Branham. A expliqué ce verset ci. Eko alifasiria hii mustari. Par rapport à ces liens là. Kwa usu ni nangare le fazi. Les choses qui sont à venir. Vous allez aimer ça frère. Bitu vile bitakuja. Mutapenda banduku. Ni maubi, bitu bitakuja. Vous allez aimer cela. Mutapenda hii. Comprendre où nous voulons aller. Welewa kule tunataka kwenda. 61. Je commence par 61. Nukta yake makumi sita na moja. Les choses qui sont à venir. Bitu vile bikubia kuja. Il dit ceci. Anasema hivi. Donc, nous voyons que dans cette vie. Japo tunaona sema mui maisha tu kunayo. Il y a le mal. Muko bubaya. Sous toutes ses formes. Muma aina ya yoyote. Et donc dans la vie à venir. Sema mwile buzima buku nakuya. Il n'y aura pas tout ça. Amutakuwa bile biyote. Même si tu es malade. Atapa kumgonjwa. Et toutes les saletés que nous voyons ici. Na ima buchafu yote tu kunaona. Mais dans la vie à venir. Lakini mwile maisha buzima buku nakuya. Il n'y aura pas tout ça. Amutakuwa bile biyote. Dans cette vie, il y a la convoitise, il y a la maladie, la mort, parce que, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la maison qu'il est parti nous préparer. Si nous pleurons ici, si nous tombons malades, c'est parce que ce n'est pas la maison aina nyumba où il est parti nous préparer. Il arrenda kutayarishia. Celle ici où nous sommes, le apa, monde, hapa tuko hapa mwi dunia, est une maison de pétiféré. Ni nyumba ya kuharibika. Où il y a beaucoup de microbes. Mwele mkuma mabilulu bya magonjwa bya mingi. Combien savent qu'est-ce que c'est une maison de pétiféré? Ni bangapi banajua ni nyumba ile mwele mkuma bilulu bya mingi. Bien sûr. Hakika. Eh bien, c'est là que vous vivez. Une maison de petits ferrets est un endroit où on mettait tous les malades. Eh bien, c'est exactement ce que ce que nous a fait, il nous a mis dans une maison de pétiférés terrestres. On ne laissera pas d'autres entrer dans cette maison, cette maison pétiférée. C'est comme il avait le Covid ici. Quand vous attrapez la Covid, on vous amène dans la maison de l'isolement. Et ceux qui souffraient de la lèpre aussi étaient aussi amenés dans la maison d'isolement. Il y avait tous les microbes là. Quand toi tu n'es pas malade, on ne peut pas permettre que tu entres là-bas. C'est ce que le péché a fait de ce monde ici. Parce qu'il y avait toutes sortes de microbes qui flottaient par là. Et les gens auraient attrapé ces microbes. Ils seraient tombés malades. Allez tout. Et le péché Zambi nous a mis dans la maison des petits ferrets du diable. Et tu es comme une nyumba ya bidudu ya magonjwa ya shetani. Oh! Jap. Mais l'autre est appelé l'autre. Lakini? L'autre maison. Il est nyumba ingine naitwa? La maison de mon père. Nyumba ya baba yangu. Je m'en vais vous préparer une place. Je vous ferai sortir de cette maison de petits ferrets. Et je vous amènerai dans la maison de mon père. Amen. Amina. Voilà c'est ça. Vous ferez sortir de cette vieille maison de petits ferrets terrestres. Il est allé nous préparer une place. Un lieu parfait où le mal n'existe pas, où la maladie n'existe pas, où la vieillesse n'existe pas, où la mort n'existe pas. Là-bas, il n'y aura pas de cris. Là-bas, il n'y aura pas de plaintes. Il n'y aura pas de rhumatisme. Il n'y aura pas de malaria. Il n'y aura pas de Covid. Bien aimés frères et sœurs, quel genre de vie ne manquez pas. C'est un lien parfait qui vous appelle à la perfection. Et il vous faut être parfait pour y aller là-bas. Pour que tu puisses aller là-bas, il te faut aussi devenir parfait. C'est ce que dit la Bible. Jésus a dit, soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez que le frère Branham prêchait les Écritures. Là, il répète Matthieu 5 que nous avons lu hier. Le verset 48. C'est lié là. C'est un lieu parfait. Qui vous appelle? Si tu veux aller là-bas, tu dois devenir parfait. Alors, vous devez être là. En effet, vous devez être là. Marié à un fils de Dieu. Parfait. Alors, vous devez être une épouse. Parfaite. Kamilifu. Comment allez-vous y autrement que par la parole parfaite de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Oui, bien aimé frère et sœur. C'est ce que je suis en train de vous parler. Le ciel, c'est un lieu parfait. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes en préparation. Pourquoi nous venons à l'église. C'est pour nous préparer et aller là-bas. Où le mal n'existe pas. Où le suie n'existe pas. Où le péché n'existe pas. Marcher dans les rues pavées d'or. Elle est parfaite. Iko kamilifu. Qui vous appelle? Inamita na moye. À la perfection. Ou kamilifu. Oui, bien faire ça. Dieu va peindre nous une date. Matthieu chapitre 5 que nous avons lu hier. Matthieu sura tano le tusoma jana. Jésus a dit. Yesu arisema. Soyez parfait. Mwe ba kamilifu. Comme votre Père céleste. Vile baba yenu wa kumbingu. Est parfait. Eko mukamilifu. Colossiens. Wa Colossae. Colossiens. Wa Colossae. Chapitre 3. Sura ya 3. Le verset 13e. Na msara 13. Écoutez ce que nous dit la Bible. Mushie vile bile nasema. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, au-dessus de toutes ces choses, nous croyons en Dieu. Nous aimons des frères et sœurs. Nous pardonnons ceux qui nous font du mal. Nous chantons pour Dieu. Nous prions pour lui. Au-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ayez l'amour. Cet amour ici, c'est la gapao. L'amour de Dieu. L'amour de la parole. La parole, l'amour de la parole de la vérité. Tu es dans la joie quand tu écoutes la parole. Comme David, il disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il était dans la joie. Toi aussi, tu as cette joie-là. La parole ou rien. C'est la vérité, bien mes frères. Aimer Dieu, l'amour de Dieu, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec sa parole. Obéissez à Dieu, c'est obéissez à sa parole. Si tu brises la parole, kama unavunja neno, tu brises aussi la communion avec Dieu. Unavunja pia ushirika na Mungu. Mais si tu demeures dans la parole, lakini kama unabakia ndani ya neno, tu es en communion avec lui. Uko mushirika pamoja naye. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu wapendwa ndugu. C'est la vérité. Nibia kweli. Si vous remarquez bien, dans 2 Thessaloniciens, il y avait les gens qui n'avaient pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et Dieu les a envoyés une puissance d'égarement pour qu'ils croient les mensonges. Et qu'il soit perdu. Nous lisons cela. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Nous lisons cela. Écoutez ce que la Bible nous dit. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Le verset 9e. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles et de signes malama, et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Écoutez maintenant. Pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? La Bible donne la réponse. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous êtes là? Oui, bien, mes frères. Ainsi, Dieu les renvoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Église de Dieu vivant. Nous devons être contents si on nous parle de la vérité. La parole de Dieu. Aimer Dieu, et c'est aimer sa parole. Quelle parole? Parole de la vérité. Pas de fausses doctrines. Pas des interprétations particulières. Oui, bien, pas des sentiments. Pas des enthousiasmes. Oh, église de Dieu vivant. Oui. Dio. Mais comment nous pouvons devenir parfaits? Comment tu peux devenir parfait? Comment nous pouvons être parfaits dans ce monde? Une personne parfaite? Une personne parfaite? Un frère parfait? Pour que nous soyons parfaits, bien-aimés frères et sœurs, la Bible, hein, Biblia, ne peut pas manquer de réponse. Colossiens chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit. 28. Musara makumi mbili na munane. Il dit ceci. Anasema hivi. Je commence par 27e. Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, Christ. Christ en toi. Christ à toi. Christ ndani yako. Christ en vous. Christ ndani yenu. Christ à moi. Christ ndani yangu. L'espérance de la gloire. Matumani ya utukufu. C'est lui yeye que nous annonçons. Ule tukuna tangazi. Exhortons tout homme. Be kuonya mtu wote. Insistons tout homme. Na kufundisha mtu wote. En toute sagesse. Na hekima yote. En fait de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est en Christ que nous pouvons être parfaits. Que nous sommes devenus parfaits. C'est en Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu, Mungu, essaie. Eko mtakatifu. Il essaie. Eko mtakatifu. Et il veut que nous allions là-bas chez lui. Na anapenda tuende kule kwake. Nous sommes préparés à aller là-bas. Tukuna tayarishwa njoo kwenda kule. C'est comme ça il nous a dit. Jove kwa maana alikutwambia. Vous aussi. Mwe na mwe pia. Soyez saints. Mwe batakatifu. Dieu sait. Il veut aussi que toi et moi, na anapenda na we na mie, nous soyons saints. Tupate kuwa batakatifu. 1 Pierre, Petro wa kwanza, chapitre 1, sura ya kwanza, verset 15. Mstari 15. Écoutez bien aimé. Mushie bapendo. Mais, lakini, puisque celui qui vous a appelé, Rimita, Eko mtakatifu. Masia, qui t'a appelé? Dada, nani alikuita? Mon frère, qui t'a appelé? Nduku, nani alikuita? Puisque c'est lui qui vous a appelé. Juu la Rimita. C'est Dieu qui nous a appelé. Ni Mungu ndiye alituita. Jésus a dit. Yesu alisema. Nul ne peut venir à moi. Hakuna atakuya kwangu. Si le Père qui m'a envoyé. Kama baba wewe alinituma. Ni l'attire. Ashimuvute. Même si il s'était donné l'invitation. Ata dada mwari kupatia ye aliko. Dieu l'a utilisé tout simplement. Mungu alimtumia tu. Même si c'est un frère qui t'a prêché. Ata ni nduku mwari kubiri. Dieu l'a utilisé tout simplement. Mungu alimtumia tu. Il y a beaucoup de gens qui ont donné les invitations. Ils ne sont pas venus. Ou bien ils sont venus. Lakini mais ils n'ont pas crié. Mais si toi tu as crié. Sasa kama wori amini, même si Dieu a utilisé n'importe quel moyen. Namna yoyote yote, c'est lui-même qui t'a appelé. Ni ye mwenye njua kuita. Et il nous dit ici. Na anetuambia hapa, puisque. Vile. C'est lui qui vous appelait un saint. Vous aussi. Soyez saints. Dans toute votre conduite. C'est ce qu'il est écrit. Vous serez saints. Comme moi, votre Dieu. Je suis saint. Dieu est saint. Il veut aussi anapenda na wewe que toi et moi we na mie, son peuple taifa yake nous soyons comme lui tupate kuyasa yeye c'est dad dans toute notre conduite batakatifu mwenendo wetu yote quand frère wakati nduku quand il sait wakati dada moya vit la sainteté eko naishi utakatifu vit une vie sainte eko naishi maisha utakatifu tu participes huko na shiriki dans la nature divine mu asili ya kimungu tu as la nature de Dieu huko na asili ya Mungu tu es transporté dans son royaume huko mwenye kupelekwa mfalme wake tu es transporté dans sa nature huko mwenye kupelekwa mu asili yake. Oui, bien, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui nous demande ça. Ni Mungu anatulomba hii. De devenir saints. Tupate kuwa watakatifu. C'est à cela que nous sommes préparés. Donc, kwa ile tunatayarishiwa. Pour que nous ayons là-bas. Tupate kwenda kule. Dans ce lieu parfait. Où il est phase kamilifu. C'est Dieu qui nous demande cela. Ni Mungu anatulomba hii. Comme il est écrit. Vile mandi kwa. Il était écrit où? Yandiko où? Dans Lévitique 19. Mwala oui, kuminatisa. Deuxième verset. Mwusara premier même jusqu'au deuxième. Kwanzia kwa kwanza mstari ta pili. Vous serez saints. Mutako batakatifu. Comme moi votre Dieu. Juu mimi Mungu wenu. Je suis saint. Niko mtakatifu. Dieu veut. Mungu anataka. Que toi. Oui. Viva ici. Mwenye kuishi hapa. Akabov. Umukambov. Mais tu sois sa représentante. Upate kuya ule unamshimamia yeye. Son représentant. Ule unamshimamia yeye. C'est dad. Comme lui-même est saint. Mtakatifu vile yeye mwenyewe kumtakatifu. C'est à cela que nous sommes préparés. Jo kwa ile tunatayarishiwa. Et c'est lui Dieu qui nous demande ça. Ni yeye Mungu anatulomba ile. C'est lui qui nous demande ça, frère. Yeye anatulomba ile nduku. C'est la vérité. Ni bia kweli. Décembre 2012. Mwezi ya 12 2012. Page 6. Kartasi yake kwa 6. Écoutez ça comme il faut. Mushikie vile nasema. Dieu, Mungu exige analazimishwa l'ordre mwingine et la sainteté usawa na utakaso dans son église. Mukanisa yake. Pas chez les dénominations. Apana kumazebu. Pas chez les fausses doctrines. Apana kumafundisho ya bongo. Dans son église. Mukanisa yake. Ici. Apa. Qui croit selon la vérité. Ule banamini ukweli. Qui croit le message biblique. Bale banamini ujumbe ya Biblia. Ça c'est pour nous frères. Hii ni yetu she bandu. Dieu. Mungu. Exige. Analazimisha. L'ordre. Usawa. Et la une fille de Dieu. Binti wa Mungu, tu dois être ordonné dans ta manière d'agir, de faire des choses. Unapasha kuwa kunyoroka mnamo na kufanya vitu. Un fils de Dieu, mwana wa Mungu, c'est une personne ordonnée. Ni mtu mwenye kuwa mtembea dans sa manière de faire des choses. Mnamo na kufanya vitu. Dieu, c'est Dieu qui exige à faire. Ni Mungu analazimisha ile. Il exige l'ordre. Analazimisha usawa. Et la sainteté. Na butakatifu. Dans son église. Mukanisa yake. Oui, frère. Ndio nduku. C'est la vérité. Ni bien kweli. Écoutez. Mushiki. Un Thessalonicien. Wa Thessalonika wa kwanza. Est-ce que vous aimez les Écritures? Que le Seigneur vous bénisse alors. Chapitre 4. Premier verset. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous, là-bas, il est inscrit. Nous exhortons tout homme. Là, c'est Paul. Nous avons lu ça. Nous instruisons tout homme à devenir parfait en Jésus-Christ. Ici, là, c'est au Colossiens. Ici, il dit quoi au Thessaloniciens? Écoutez l'évangile de Paul. Et le frère Branham dit, moi, j'ai prêché aussi comme Paul. Écoutez, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Plaire à qui? Kupendeza nani? Aux hommes. Batu. Au sœurs. Badad. Plaire à qui? Kupendeza nani? Aux frères. Banduku. Aux conducteurs. Baongozi. Père, mes frères et sœurs. Bapendo nduku na dada. Plaire à Dieu. Kumpendeza Mungu. Ma sœur. Dada yangu. Marche. Tembea. Comme pour plaire à Dieu. Sawa vile upate kumpendeza Mungu. Non pas pour plaire aux hommes. Hapana njo kupendeza batu. Lui qui connaît les secrets. La Bible dit qu'une créature n'est cachée devant lui. La Bible dit qu'une créature n'est cachée devant lui. Marche. Tembea. Agis. Tenda. Comme pour plaire à Dieu. Sawa tu unapenda kumpendeza Mungu. Que tu sois agréable à Dieu. Upate kuwa kupendeza Mungu. À ton Dieu. Kwa Mungu wako. Qui t'a sauvé. Uleri kuokoa. C'est là ce que vous faites. Non, Dieu est le mot qu'on a fait. Ah, ça c'est une forte déclaration. Et ni musemo yangu voa. Paul. Paulo. Qui connaissait les Thessaloniciens? Leo arijua ba Thessalonika ba musika. Il regarde comment les Thessaloniciens agissaient. Anangravi ba Thessalonika ba kuona tembea. Il regarde comment les Thessaloniciens marchaient. Anangravi ba Thessalonika ba kuona tembea. Il dit. Akasema. Thessaloniciens. Ba ku Thessalonika. Les enseignements. Mafundisho. La prédication. Maubiri. Que vous avez écouté de nous. Ile murishikia tokia kwetu. Vous les mettez en pratique. Muko na itumikia. Vous faites ça. Muko na fanya vile bya kwe. Frère. Donc, quel est témoignage de Thessaloniciens ici? Hii ushuhuda ya Thessalonika. Soit ton témoignage. Upate kuya nao pia ushuhuda. Soit aussi mon témoignage. Upate kuya nao pia ushuhuda yangu. De tous, prédicateurs, baubir, conducteurs, frères et sœurs, banduku na badad, tout le monde, frère, batu bote nduku, je ne vous enseigne pas, mishi mifundishe, nous tous nous sommes enseignés, je bote tuku benye kufutu na fundishwa, nous tous Dieu nous demande ça, je bote mungu ne tulomba i, c'est la vérité, frère, ni bia kweri nduku. Et Paul, qu'il a regardé les Thessaloniciens, Paolo, il a vu que les Thessaloniciens marchaient correctement. Et il a rendu témoignage. Quel est le témoignage de ces Thessaloniciens ici? Soit ton témoignage. Que cela aussi soit mon témoignage. Que nous marchons pour plaire à Dieu. Que nous marchons avec l'amour de Dieu. Il dit, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions Et nous vous conjurons, tunamiomba na tunamisi, au nom du Seigneur Jésus, jina Bwana Yesu, de marcher à cet égard, utembe kwa ile, de progrès en progrès, maendeleo na maendeleo, de progrès en progrès, maendeleo na maendeleo ingi. Oui, ma sœur, Dio ma dada yangu, ne dormez pas, mushilale. Si tu gardes la parole, kama unachunga neno, si tu honores la parole, kama unaheshimia neno, Dieu va t'honorer. Mungu naye atakuheshimisha. Même si dans cette église, personne ne te connaît. Hakuna mtu anakujua. Mais si tu honores la parole, lakini kama unaheshimisha neno, si tu gardes, tu honores la foi. Mungu unaheshimia imani. Et si toi tu honores sa parole, na kama unaheshimisha neno lake, tu honores Dieu, unaheshimia Mungu, Dieu va t'honorer. Mungu atakuheshimisha na yeye. Si tu es debout, kama kubwima, dans la parole, muneno, ne tombe pas. Apana kuanguka. Mais marche à cet égard, hein? Sasa utembee kwa ile, de progrès, maendeleo, en progrès, maendeleo ingine, de progrès, maendeleo, en progrès, maendeleo ingine. Jusqu'à ce que, fika na pale, nous devenions semblables à lui. Tutakuwa bene kufananishwa naye. C'est-à-dire saint. Ni kusema batakatifu. C'est à cela que nous sommes préparés comme l'église. Kwa ile tunajitayarisha sawa kanisa. C'est comme cela que nous venons ici, frère. C'est comme ça que nous avons quitté les églises. C'est comme ça que nous avons quitté les dénominations. C'est comme ça que nous avons quitté les catholiques. Des réveils. Et partout nous étions. Ne venez pas mourir ici. La vie. Nous avons lu hier. J'ai dit que celui qui me trouve, tout a trouvé la vie. Frère, nous avons trouvé la vie à travers sa parole. Ne venez pas mourir ici. Venez ici pour que la parole vous perfectionne. Pour que la parole vous perfectionne. Oui, bien, mes frères et sœurs. Jusqu'à ce que nous devenions parfaits. Écoutez. Mushiki. Il dit. Anasema. Le verset troisième, deuxième. Mustara ki apili. Vous savez en effet. Munajua kwa kuwa. Quel précepte. Magizo nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Magizo kani tunipatia kupitia upande ya Bwana Yesu. C'est que Dieu veut. Nikusema. Kile Mungu anataka. Ce n'est pas le prédicateur qui veut. Ce n'est pas le frère Didier qui veut. Ce n'est pas les conducteurs qui veulent ça. Ce n'est pas les frères et sœurs qui veulent ça. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mungu anataka pour moi aussi. Kwangu il veut quoi? Anataka nini? Écoutez, frère. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous obteniez de la débauche, ce que chacun de vous chasse posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il faut dominer ton corps. Il faut utawale mwili wako. Il faut dominer tes désirs. Il faut utawale le matama yako, mania yako. Il faut permettre que apana kuruhusu des désirs de ce corps, mania hii mwili, te domine. Ipate wewe kutawala. Ou le sentiment, au mahali te domine, non. Ipate kutawala, apana. Ne permet pas que apana kuruhusu les excès de colère, ile makasi asira yako, te domine. Ipate kutawala. Non. Apana. Toi domine ça. Wewe utawale. Le péché se couche à ta porte. Zambi la lala kumlango yako. Mais toi, sasa we, tu dois dominer le péché. Unapasha kutawala zambi. Est-ce que vous êtes là? Eti mukupale. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu m'a peine ndugu na dada. Ce n'est pas parce que j'ai faim. Ana tu njuni kuna anja. Je n'ai pas mangé. Mishi kukule. Et que je dois voler. Na njuni napasha kwenda kuiba. Est-ce que c'est correct? Eti ni haki. Je vous pose la question. Mina miuliza. Parce que j'ai faim. Njuni kuna njala. Je n'ai pas mangé. Mishi kukule. Que je voile? Nipate kuiba. Oh. Ah. Je ne dois pas voler parce que j'ai faim. Mais j'ai banjuni kuna njala. Un sentiment, un désir ne peut pas que cela ne domine pas ta vie. Il est ni en ile hali sipate kutawala maisha yako. Que le désir de ce corps. Il est nia ya hii mwili. Ne domine pas ton esprit. Ishitawale roho yako. C'est toi qui dois dominer tous tes sentiments. Avoir la tempérance. La maîtrise de soi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Un peu en bas là-bas, il dit, celui qui rejette ça, ne rejette pas un homme. Écoutez, sans vous livrer à une convoitise, bila kujitoa kutama moya, passionné comme font les païens, ya kupendezwa sawa vile wapagano wanafanya, ne connaissent pas Dieu, bana bamujue Mungu. C'est que personne n'ise envers un frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Shukwe mtu atamwe apate kuibia nduku yake au kupenda pesa ya mnomo wa biashara. Parce que le Seigneur qui venge de toutes ces choses. Dieu Mungu analipisa kisasi mbele vyote. On t'a donné une responsabilité. Tu commences à voler. On t'a donné une gérance de ce qu'on t'a donné là. Et tu commences à agir rizement. Lui, il est là dans sa maison. Hein. C'est moi qui souffre ici. Non, frère. Je dois prendre ça. C'est que tu prends là. Il est beba. Est-ce que tu peux dire, tu peux avouer ça? Et tu t'as osé wazi-wazi? Restituer ça. Dieu a couru. Que Dieu, frère, Mungu nduku, nous aide à tout ça. À être des filles de Dieu. Kama kubinti wa Mungu. On t'a donné une voiture pour faire le taxi. Banakupatia gari moja. Un motocar. Non, frère, je suis ici. J'ai dépassé le village ici, nous sommes tombés en panne. Alors il n'y a plus moyen de venir aujourd'hui, nous allons venir demain. Mais toi tu as une autre course, tu es parti loin. Est-ce que vous êtes là? On te donne la responsabilité de gérer une pharmacie. La pharmacie commence à chuter. La pharmacie commence à chuter. Joseph dans la maison de Potiphar. Yusuf yumba Potiphar. La maison était bénie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Mungu alipisa kisasi ya bile biote bile. Oui, bien mes frères et sœurs. Est-ce qu'il n'y a plus de meilleures personnes dans ce monde? Il n'y a plus de meilleures personnes. Nous venons nous rassembler ici pour rester tout ce que nous avons été. Et pourquoi nous avons quitté les catholiques? Pourquoi nous avons quitté les églises dénominationnelles? Même parmi les chrétiens, il n'y a pas de meilleures personnes. Frère, postez-nous 1 Corinthiens 11, verset 17. Je ne veux pas laisser ici. Postez-moi parce que je veux revenir ici. Verset 17, postez-moi. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le chef Bible vient en donnant cet avertissement. C'est que je ne loue point. C'est que vous vous rassemblez. Non pour devenir meilleur. Chaque jour nous sommes ici à l'église. Nous écoutons la parole. Au lieu de devenir meilleur. Au lieu de devenir parfait. Au lieu de devenir des saints. Et nous devenons pire. Mais nous devenons pire. Nous devenons encore mauvais. Tunakuwa tena babaya kabisa. Plus mauvais. Babaya kupita. Ce n'est pas pour ça que nous venons ici, frère. Aina njua ile tunakuwa hapa. Nous venons ici. Tunakuwa hapa. Pour devenir des meilleurs. Tu yakuwa batu bazuri kupita. Meilleurs enfants. Batoto bazuri. obéissant à leurs parents. Benye kutiba zaziabu. Qui ne faut pas troubler les parents. Bale abawezi kuleta uvuruko mbazaziabu. Meilleure femme. Muke mwema. Meilleur mari. Mume mzuri. Meilleur frère. Nduku mzuri. Meilleur brebis dans l'église. Un kondo mzuri mukanisa. Quand tu n'es pas là. Wakati ya unako. Même les conducteurs. Ata benye baongozi. Ne sont pas joyeux. Abana na fura. Parce que toi tu n'es pas là. Juu wewe unako. Chacun a une place ici, frère. Kila mtu kuna fazi hapa nduku. Il n'y a pas de spectateurs ici dans l'église. Hakuna tu bakuya bo kuangalia bule mu kanisa. Est-ce que vous êtes là? Eti mkupale. Devenons meilleurs, frère. Tukuye bazuri banduku. Écoutez, mushiki. Il dit, anasema, je rentre maintenant dans Thessaloniciens. Mina rudia kwa Thessalonika wa kwanza. Chapitre 4 où nous étions. Sura ya 4 kule tulikuwa. Je vais chercher le verset qui est important et puis je écoutez, mushiki. Verset 7. Musarasa. Quoi? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Non. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne nous a pas appelés à ça. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Si quelqu'un discute avec ça, tu ne discutes pas avec le frère Didier. Tu ne discutes pas avec le frère Paul. Mais tu discutes avec Dieu. C'est Dieu qui a dit que je suis saint. Toi aussi, sois saint. Oui, bien mes frères, c'est saint. Nous n'avons pas de loi à enseigner. Nous enseignons la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est la grâce que nous enseignons, frère. Pas de loi. Nous ne sommes pas des légalistes. Mais nous sommes des prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous annonçons la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bibi na semanini. Écoutez, sur la grâce, la grâce. Yulia nema na semanini. Non, c'est Tite chapitre 2 verset 11. Tito sura ya pili mstari wa 11. Écoutez ce que la Bible nous dit là-bas. Mushie ile Biblia nasema. Frère, sois rapide. Nduku we haraka mfundi wetu. Wani nema ya Mungu. Source de salut pour tous les gens. Chemchemu ya wokovu ujua batu bote. A été manifesté. Ilionokanishwa. Et nous la grâce nous enseigne. Nema inetufundisha. A renoncer à l'impiété. Wacha buchafu. Et au convoitisme mondain. Na matama ya dunia. C'est la grâce. Ni nema. A renoncer à l'impiété. Wacha uovu. Au convoitisme mondain. Na matama ya dunia. À vivre dans ce siècle ici. Ya kuishi mwi kizazi. Dans la justice, Mwaki, à vivre dans ce siècle ici, Mkuishi mwikizazi, selon la sagesse, Fatana na ikima, la justice Mwaki, et la piété. Na utawa. La piété, c'est la divinité. Utawa ni bumungu. C'est la même chose. Ni namna moja moja. Dieu est saint. Ni mutakatif. Vous aussi soyez saint. Mwana mumwe batakatif. Ça c'est la grâce. Il est ninema. Nous avons reçu la grâce. Parce que quand nous étions encore des païens, quand nous étions dans l'état de l'ignorance, Christ est mort. Christ a tout fait. Mais la grâce de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui la grâce. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nema ya Mungu ni Yesu Christ. Nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tuache buchafu. A renoncer à la convoitise mondaine. Tuache matama ya dunia. À vivre dans ce siècle ici. Uishi mwikizazi. Selon la sagesse. Fatana na hekima. L'amour et la justice. Mapendo la piété. Et la piété. Unyofu na utawa. Qui bien mes frères et sœurs. Dieu mapendo ndugu na dada. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que timuko pale? C'est la vérité église de Dieu vivant. Ni kanisa ya kweli ya Mungu aliye. Tout celui qui veut aller rencontrer Dieu. Ule wote anapenda kwenda kukutana na Mungu. Doit se sanctifier. Anapasha kujitakasa. Romains Hébreux 12. Wa Ibrania 12. 12e verset au 14e. Mstari 12 mpaka 14. Cherchez la paix. Tafutisheni ya et la sanctification. Na utakaso. Sans laquelle. Bila ile. Personne ne verra le Seigneur. Kuna mtu ataona Bwana. Nous avons quitté les dénominations. Tulitoka mazebu. Nous avons quitté les églises où nous étions. Tulitoka makanisa mwe tulikuyaka. Et nous sommes venus ici. Na tulikuwa hapa. Pour nous préparer. Juu ya kujitayarisha. Et aller rencontrer Dieu. Na kwenda kukutana na Mungu. Mais pour rencontrer Dieu. Sasa njoo kukutana na Mungu. Il faut la sanctification. Il verset 14, frère. Mustara 14. Cherchez la paix. Tafutisheni salama. Et la sanctification. Na utakaso. Recherchez la paix. Tafutisheni salama. Avec tous. Na bote. Avec tous. Na bote, bantu bote. Un chrétien ne doit pas avoir des ennemis. Mukristo hawezi kuwa na maadui. Donc, des conflits. Na makokotano. Une personne conflictuelle. Mundo wa makokotano. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Bwana ubariki pasteur wetu. Le Seigneur bénisse notre pasteur. Bwana ubariki pasteur wetu. J'ai vu une écriture dans la maison là. Miro na ndiko mwa nyumba yake mule. Il dit, inasema hivi. Non conflictuel. Apana makokotano. Est-ce que j'ai bien répété cela? Eti mina sema mzuri? Non conflictuel. Washipo makokotano. Un chrétien? Mukristu? Ce n'est pas une personne qui a des conflits avec des gens. Ana muntu makokotano na bantu. Tu peux avoir les ennemis. Unaweza kuwa na badui. Peut-être que étaïs. Na zingine bobo nakuchukia. Mais toi qu'est-ce que la Bible te dit? Sasa wewe Biblia inakwambia nini? Et même tes ennemis. Benda ta badui yako. Priez pour ceux qui te persécutent. Ombe atabale beko nakuteso. Les gens qui te font mal. Bantu beko nafanyisha vibaya. Ils te font souffrir. Beko nakuangaisha kuteso. Mais toi. Sasa wewe. Dans ta prière. Maombi yako. Oh Seigneur. Oh Bwana. Pardonne-les. Ubasame. Comme le Seigneur. Vile Bwana. À la croix. Kumusalaba. Il a prié. Aliombaka. Oh Père. Oh Baba. Pardonne-les. Ubasame. Nous devons avoir l'esprit de Christ. Unapasha kuwa na roho ya Kristo. Un chrétien ne doit pas avoir de conflits, frère. Christo hawezi kuwa na makokotano nduku. Recherchez la paix, frère. Tafutisheni salama. Recherchez la paix avec tous. Tafutisheni salama na bantu bote. Si cela est possible. Kama inawezekana. Et la sanctification. Na utakaso. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bila ile hakuna mtu ataona Bwana. Nous avons quitté les dénominations. Tulitoka mazebu. Nous sommes venus ici. Tunakuja hapa. C'est pour aller raconter le Seigneur. Tu vas kwenda kukutana na Bwana. Pour raconter le Seigneur, pour nous préparer. Tu vas kujitayarisha. Et aller nous raconter le Seigneur. Na kwenda kukutana na Bwana. Pour raconter le Seigneur. Tu vas kukutana na Bwana. Il faut la sanctification. Inafai paka utakaso. Je vous lis une écriture, nous allons nous limiter là-bas. Mita soma andiko tashimamia pale. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Oui frère. Ndio nduku. Exode. Kutoka. Écoutez, Exode 9, Exode 19, 9. Kutoka 19 sura ya 9. Et l'Éternel dit à Moïse. Na, Yehova kamwambia Musa. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Tazama mitakuya kwako muri wingu linene. Afin que le peuple entende quand je te parlerai. Kusudi batu bashikie wakati mitaanza kusunguza. Et qu'ils aient toujours confiance à toi. Wapate kwa paka na matumaini ndani yako. Là, c'est Dieu qui dit à Moïse. Ça parle ni Mungu anamwambia Musa. Il dit, tu me verras dans une épaisse nuée. Utaniona muri wingu linene. Je viendrai là-bas. Mitakuya kule. Et le peuple. Na taifa. Vont écouter. Batashikia. Frère, posez ici. Posez ici, je vais lire ici. Ndugu weka yo ku ekran. Mitasomea ku. Et le peuple. Na taifa. Va écouter, va voir la nuée. Itaona le wingu. Et ils auront toujours confiance à toi. Na batakuya kila wakati na matumaini ndani yako. Mais Moïse, lakini Musa, frère, le verset là. Ok. Et l'Éternel dit à Moïse. Non, Yehova kamwambia Musa. Non, frère, tu as sauté. Le verset 10e d'abord, 9e d'abord. Donc, on dit que Moustari a 9. Le verset 9e. 9e, ok. L'Éternel dit à Moïse. Yehova kamwambia Musa. Voici, je viens vers toi. Tazama mitakuya kwako. Dans une épaisse nuée. Muri wingu rinene. Afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'ils aient toujours confiance à toi. Na bakuye kila wakati natumaini ndani yako. Moïse rapporta les paroles de l'Éternel au peuple. Musa kaleta ile masemo ya wambia kwa taifa. Tu m'embrou, frère. Tu m'embrou. Il faut monter quand moi je reprends le verset 9e. Vers la fin. Enfin que le peuple ait confiance à toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moïse a dit quoi à Dieu? Il dit Seigneur. Ce n'est pas ce que le peuple veut. Aina, le peuple batu veut te rencontrer toi-même. Kutana na wewe. Frère. Nduku. Si tu as le Saint-Esprit, tu es miracle. Même un jeune frère que toi tu as vu venir dans le Seigneur. Et un jour, Dieu peut lui donner le ministère. Dieu a choisi l'homme. Si tu ne veux pas écouter l'homme, tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Si tu ne veux pas écouter les frères d'idées ce soir, même si Jésus descendait ici, tu ne vas pas te répartir. Tu ne vas pas te l'écouter. Dieu ne parle pas du haut des cieux. Dieu utilise les hommes. Est-ce que vous êtes là? Le peuple ici, taifa hi, il dit, anasema, Nduku, frère, il dit non. Apana. Nous ne voulons plus de toi. Atukupende tena weye. Mais que Dieu lui-même nous parle. Mungu yeye mwiyatupate kusemeze. Ah. J'ai dit qu'il veut me raconter moi-même. Mungu asema napenda kukutana na mimi mwenyewe. Écoutez ce que Dieu dit. Mushie vile Mungu anasema. Verset 10 maintenant. Mustari ya 10 sasa. L'Éternel dit à Moïse. Wa milele Yehova akamwambia Musa. Va vers le peuple. Uende kwa taifa. Sanctifie-le aujourd'hui. Ubatakase leo. Et demain, na kesho, qu'ils lavent leurs vêtements. Mon frère, qu'ils soient prêts. Une personne qui est prête, c'est une personne qui se prépare. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras des limites que le peuple ne doit pas dépasser. Est-ce que vous êtes là? L'église de Dieu vivant. C'est la vérité bien présentée. Il voulait rencontrer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Sanctifie le peuple. Aujourd'hui, Léo, sanctifie-le encore. Tena, demain. Esho, et le troisième jour, na shiku ya tatu, ils peuvent me raconter. Banaweza kutana na mi. Est-ce que vous êtes